Mes chers ouvriers, si je suis descendu ce soir dans vos ateliers, c'est pour vous dire que je suis très mécontent de vous. En effet, lorsque le matin, dites dans atelier C, là, monsieur Delpech. Arrêtez l'atelier C, le bruit que ça fait, non, quand le patron y parle. Lorsque le matin, j'arrive dans la cour de l'usine, que je descends de ma déesse, et que je vous vois vous descendre de vos bicyclettes, je vous entends murmurer, oh, il y en a marre d'aller travailler, d'aller bosser, d'aller, je ne sais quelles expressions triviales, d'aller turbiner. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, hein? On a l'impression que ça vous ennuie de venir travailler dans mon usine. Vous apprendrez, mes chers ouvriers, que je vous perfais plus là-haut, hein? Vous apprendrez, mes chers ouvriers, que lorsqu'on attrape un voleur, un assassin, on le met dans une prison. Et pour le punir d'avoir mal fait, on l'empêche de travailler. Donc vous, qui n'avez jamais volé ni assassiné, vous avez la chance de pouvoir vous distraire. Synonyme de travail ou amusement. J'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre par mes employés, par mes ouvriers, cette expression « travailler, bosser », mais je veux entendre à partir d'aujourd'hui cette expression « je viens m'amuser ». Je ne lime plus, je m'amuse. Je ne tape plus à la machine, je m'amuse. Le premier qui dit « viens travailler », je le fous à la porte. Ce sera très bon pour le moral de tous mes employés. Je vais voir si j'ai été compris. Vous. Vous qui êtes torse nu, qu'est-ce que vous faites toute la journée quand vous mettez du charbon dans la chaudière? Je m'amuse. Très bien. Vous, vous qui poussez les wagonnets toute la journée, qu'est-ce que vous faites? Je m'amuse. Très bien, tout le monde s'amuse ici. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Qu'est-ce que vous faites derrière ce guichet? Vous êtes assis? Je m'amuse aussi, moi, patron. En quoi ça consiste, votre amusement? Mais je suis magasinier. Alors je suis assis toute la journée. Puis quand il y a un ouvrier qui veut un outil ou une pièce quelconque, il me le demande. Alors il me dit, tiens, je voudrais une pince multiprise. Alors je tends le bras, je prends la pince multiprise, je lui donne et j'écris sur mon papier, une pince multiprise. Voilà. Voilà, voilà, voilà, voilà. Et puis comme ça, ça peut attendre 2-3 heures ou 2-3 jours. Il y en a un autre qui vient, il me réveille en sursaut. Qu'est-ce qu'il y a? Un petit boulon d'huître. Alors je prends le boulon d'huître, je lui donne un boulon d'huître. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Vous êtes content de vous amuser ici, vous? Ah ben, je m'amuse bien, moi. Je m'amuse tranquillement. Je m'amuse en deux fois, moi. Je m'amuse de 8h à midi et de 2h à 6h. Il y a combien de temps que vous amusez là, vous? Je m'amuse là, ça m'a fait une quinzaine d'années. Vous pensez vous amuser encore longtemps? Je pense m'amuser encore 15 ans, quoi. Jusqu'à la retraite. Et après, qu'est-ce que vous ferez? Après, ben alors là, j'irai travailler.